Bonsoir chers auditeurs de Vibration. Ça fait une semaine que vous attendiez votre émission préférée. Eh bien, Milky Wave, c'est parti de 21 à 22h. Le Raph au micro. Et cette semaine, c'est Groove Jesus qui nous a mixé ses meilleures trouvailles. On débute cette heure avec un morceau que Groove Jesus nous a déniché et qui n'est pas encore sorti officiellement. Donc une petite exclue, Milky Waves donc. C'est une production belge, l'artiste s'appelle Denis Gold et le titre c'est Offshore. Ça fait un peu jardin extraordinaire mais c'est sympa. Allez, je vous laisse écouter. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Groove Jesus. This is Milky Waves on Vibration.fm. 107.2 in Brussels. C'était Dennis Gold avec Offshore. Et maintenant, on passe avec un nouveau label Cuff, dirigé par Amin Edge. Pour le duo brésilien Dash Dot et Victor Ruiz, et le titre Obey. We'll be right back. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Groove Jesus. Nous venons d'écouter Obey de Dash Dot et Victor Ruiz. Et maintenant, on passe au producteur belge Jason Heat, membre de Beyond Space aussi d'ailleurs, comme Groove Jesus, notre DJ du soir. Le titre c'est What You Want. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Thank you. Nous venons d'écouter Jason Heat avec What You Want. Toujours sur Vibration 107.2 Bruxelles ou 91.0 Mons et sur internet vibration.fm bien entendu. On passe à un morceau sorti fin 2013 sur le label Mirabilis. L'artiste c'est Giorgio Chioris et le morceau remixé par Dale Middleton c'est District. Milky Way. C'était Giorgio Chioris avec District. À suivre, le DJ et producteur espagnol Darin Vliss avec le titre Piccadilly Line. Des bonnes petites basses. Allez, on monte le son pour les voisins. Là. This is Milky Waves, hosted by Raph, with On The Decks, Groove Jesus. C'était Darin Vliss et son Piccadilly Line. Toujours avec le Raph au micro et Groove Jesus au platine, on arrive à la moitié de notre émission. Et on poursuit avec Sven Tasnadi, l'allemand, avec son titre Stop Talking. Le tout mixé par Steve Bug, qui est à la tête du label Poker Flat. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Groove Jesus. C'était Sven Tasnadi avec Stop Talking, un Steve Bug remix. Milky Waves, épisode 8, avec toujours le Raph au micro et Groove Jesus au platine. Et on continue notre heure de mix avec un trio gagnant, Marc de Pulse, Overnight et Hollis P. Monroe. Le titre No Need to Worry, un Freak Me remix. Une excellente sortie sur le label Noir Music. Yeah. c'était le trio Marc de Pulse, Overnight et Hollis P. Monroe. Pour cet excellent morceau, No Need to Worry. Et on continue avec Julien Chaptal, français qui est monté à Amsterdam avec succès. Le titre Elephants on a String. Ça veut bien dire éléphant sur une corde, hein. Je vous vois venir, vous, hein, avec éléphant en string là. Allez, on écoute ça. C'était Julien Chaptal avec Elephant on String. Non, Elephants on a String, pardon. Oui, bon, elle était facile, mais c'est dimanche. Et le dimanche, tout est permis sur Vibration. Enfin, presque tout. Alors là, Groove Jesus, il nous a sectionné un artiste innommable. Bon, allez, je vais essayer. Methody Isotf. Bon, l'horreur. Le titre, c'est Earth. Ça, c'est déjà plus facile. Terre. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Groove Jesus. c'était Methody, Hachéry et SETV, je préfère les plaies. Et le titre Earth. Merci Groove Jesus. Allez, on continue avec deux énormes artistes pour un fabuleux track. C'est Dominique Hulberg et Gabriel Ananda. Le titre c'est The Space Between Us, un original mix. Et on va terminer la soirée avec ça. Allez, c'est parti. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Groove Jesus. voilà, c'était Dominique Hulberg et Gabriel Lananda avec The Space Between Us. Très chouette morceau. Milky Waves, épisode 8. Eh ben oui, ça se termine déjà, malheureusement. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook, notre page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Donc voilà, continuez. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne semaine. Bye bye.